Le 10 juin, au sommet du Pekdong, a eu lieu le rendez-vous national des jeunes étudiants pour prêter serment. Y ont figuré Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, des cadres intéressés et les pèlerins. Avec Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, les participants ont juré de parachever l'œuvre révolutionnaire Chuché, œuvre révolutionnaire Sungun inaugurée au Pekdong, en suivant la direction de la révolution de Sungun du dirigeant suprême Kim Jong-un et en faisant flotter le drapeau de l'Union de la jeunesse kimlsuniste Kim Jong-liste.